éternel. Tu es ma lumière. Tu es mon sauveur. Je n'ai personne à craindre. De ma vie, tu es le protecteur. De qui aurais-je peur? Approche de moi, voulant me dévorer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui tombent et perdent pied. Qu'une armée se dresse contre moi, mon cœur reste en paix. Même si la bataille est longue, je suis en sécurité. Que des méchants s'approchent de moi, voulant me dévorer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui tombent et perdent pied. Qu'une armée se dresse contre moi, mon cœur reste en paix. Même si la bataille est longue, je suis en sécurité. Yeah, yeah, yeah. Mais il me tient vraiment à cœur. Je voudrais toute ma vie chez toi habiter pour contempler ta grandeur. Je ne te demande qu'une chose, Seigneur. Je n'ai qu'un seul souhait, mais il me tient vraiment. Contempler ta grandeur, jouir de ton amitié, oh éternel. Oh, tu es ma lumière.